Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 16 octobre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourrel. Oui, Marie-Pierre Laforge-Bourrel. Marie-Pierre. Tu pourrais avoir ta propre chanson thème, tu sais. Mathieu Plante. Oh, ça sonne moins bien, je trouve. T'as pas assez de syllabes dans mon nom comparé au tien pour faire une chanson avec une mélodie, tu sais. Voudrais changer ton nom. Marie-Pierre Laforge-Bourrel. Ouais. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on a trois nouvelles entrées, les amis. On va entendre plus tard dans l'émission Feist et The Horrible Crows. Oui, voilà, mais on va débuter avec la 20e francophone en quelques secondes. La 20e francophone, R1 avec Le Soleil plein midi. Oui, deuxième pièce de leur album Les Canaux. Mais avant de la musique, mentionnons ce qui s'en vient plus tard dans l'émission. Hein? On a la chronique Un instant classique. Oui. Ce que je t'ai ordonné la semaine d'aimer passée. Au d'aimer au maximum. C'est ouais, ça. Voilà. Sinon, ça va pas bien aller. Ça s'en vient, là. Moi, oui. Tu vas t'habituer. Tu vas te faire... Moi, te mettre à ma main. Je travaille dessus. Ouais, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Absolument rien. De la musique. Surtout de la musique. Je pense qu'on va jouer pas mal le top 40 au complet, ou en tout cas vraiment très, très proche. Alors, commençons avec la médecine francophone. Tu l'as dit, c'est R1 avec Le Soleil plein les yeux au 89 FM. C'est les palmarès. C'est fou. J'ai marché 4 heures d'affilée, toute une journée, sans jamais m'arrêter. J'ai marché comme un nomade dans la ville pour me retrouver. Le soleil plein les yeux dans la ville blanche. J'ai pas besoin de prédire la

Feist avec The Bad in Each Other, position numéro 19 anglophone. C'est une nouvelle entrée au Palmarès, c'est fou. Oui. Oui, t'as aimé ça? Oui. Tu l'écoutais intensément, j'en suis certain. Oui. Tout à fait. Avant, on a sauté par-dessus Peter avec Tergiverse, mettons en vedette Cœur de Pirate. Ça descend d'une place, 7e semaine de présence. Et avant ça, on a entendu les 20e positions des deux côtés. Les 20e positions, le côté francophone, c'était Erwan avec Le Soleil plein les yeux. Et du côté anglophone, c'était The Horrible Crows avec Behold the Hurricane. Oh que oui! On est rendu aux positions numéro 18. Du côté anglophone, il y aura Timber, tes préférés, avec Lonesome Hunter. Ça descend de 9 places. Et du côté francophone, c'est Métagruau avec Jupiter. Est-ce qu'on écoute ça là? Là, là. Où ça? À Fifou. 89 FM? Exactement. Oh, c'est fou. 93.3, là? Non. Non. Essayez pas. Je pense qu'il y a rien. C'est pas ça, de toute façon. La statique. Pas très bon, la statique. Non. Yeah. Girls run, kids cross a line. I'm afraid I'll never understand, baby. And I'm so sorry you had such a bad time. Well, I have done some truly awful things, and you must be very terrified. Well, you have every reason to be frightened, since you've been reading my mind. Who am I to deny this moment? And who am I to even question it? There is a cross on a mountain, baby. There is a cross glowing over your head. Oh, please break this spell you have me under. Every heart is a lonesome hunter. Please break this spell you have me under. Oh yes, every heart is a lonesome hunter. C'était Timber Timber avec Lonesome Hunter. Lonesome Hunter. Juste avant, du côté franco, c'était Metagrio avec Jupiter qui descend d'une seule place. C'est sa 7e semaine. Donc, on s'entend que ça ne sera pas là pour l'éternité, ça. Non. Un mais jour, ça fait déjà longtemps, il me semble. Oui. Metagrio. Ouais, tu te rappelles pas d'une époque où c'était pas là? Non, c'est ça. Ça a toujours été là. C'est sûrement parce que t'étais pas là dans le temps que c'était pas là. Ça fait pas très longtemps que t'es là. Non. Pourquoi je chuchote? Je sais pas. Est-ce que les gens entendent quand je chuchote? Pas sûr. En tout cas. Donc, position numéro 17, c'est là qu'on s'en va. Du côté anglo, il y aura Darlings of Chelsea avec You're Not a Rolling Stone. Ça descend d'une place, 6e semaine de présence. Et du côté francophone, c'est Brady Cardi avec Et si jamais. La formation locale qu'on adore. Et on les salue au passage. Salut. Salut. Bye. Vous êtes au palmarès, c'est fou, 89 FM. Je ne m'en veux pas, dis simplement alléluia. Et si jamais je respirais, et si jamais on s'effaçait, c'est ça la vie ici-bas. Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Numéro 17. Nous interrompons la banane de Marie-Pierre pour présenter le bloc qui vient de jouer. En position numéro 17, anglophone, c'était Darlings of Chelsea avec You're Not a Rolling Stone. Et ça, ça descend d'une place. Et du côté francophone, c'était Brady Cardi avec Et si jamais. Parfait. Et pendant qu'on, déguste la prochaine partie de la banane, on va entendre le prochain bloc des palmarès si fous. C'est les positions 16. Du côté anglophone, c'est Mother Mother avec Problems qui descend de 10 places. Oh. Et du côté franco, c'est Reine de France avec Toxic Tuxedo. Sais-tu qu'est-ce qu'elle mange, la Reine de France, des fois? Ou jamais? Des bananes. Ouais, j'essaie de trouver quelque chose de plus drôle que ça, mais... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle mange, la Reine de France? Mathieu, allez, allez! Trouve-moi quelque chose de le fun! Non! Pas bon. Je pense que je vais pas en impro. Toi, qu'est-ce que t'aurais dit, mettons, qu'on t'aurait demandé, comme? Mais tu me l'as déjà demandé, et j'ai dit une banane. numéro 16. J'ai une banane dans l'oreille. Donc aujourd'hui on est banane. Qu'est-ce que tu veux? Mother avec la pièce Problems. Ça descend de 10 places en 16e position anglophone. Et du côté francophone, ça descend. Là. Reine de France a descendu de 10 positions. C'est très, très là, ça descend. Là. Oui, c'est une chute. Avec la chanson Toxic, Tuxedo. Comme dans Serpents et échelles. Oui, il y a pogné un gros serpent. C'est ça. Tu te demandais pendant 2 secondes si l'échelle a monté ou a descendu. Je t'ai vu venir. Prochaine position, ce sont... on va sauter par-dessus les 15e. Ouais. Du côté anglo, on aurait entendu John Leloup. C'est Jean Leloup. And The Last Assassins avec la pièce The Wheel qui descend, elle aussi, de 10 places. Et du côté francophone, c'était Charlie Foxtrot et Éternel Pessimiste. Bon, ben, on aura entendu un extrait au moins. Oui, hein? C'était l'extrait, voilà. C'est terminé la chanson. Délicieux, ça descend d'une place. On va aller au 14e place. Du côté anglo, c'est Obijo qui monte de 4 avec Niagara. Quoi? Du côté francophone, c'est OK Volca avec Facteur Temps. Ben OK Volca, c'est si tu dis OK Volca. Non, c'est un peu Obijo. C'est plus sexy, non? Comme tu veux. Apparemment, je veux. Hein? Parce que c'est ce que j'ai fait. OK, Volca, Facteur Temps, ça commence comme si... Petit, comme ça. Attention. Hein? Comme si je la connaissais par cœur. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, 89.fm. Insérez-vous une balade dans l'oreille si vous n'êtes pas content. The au bijou avec la pièce Niagara en 14e position anglophone. Et avant Franco, c'était OK Volca avec Facteur Temps qui descend d'une place 6e semaine ça sur l'album Fréquence Trémor. Oui. C'est menaçant. J'avais jamais vu le nom de l'album. Mm-hmm. Et ça te convainc pas vraiment. Hein? C'est drôle, c'est un drôle de nom. Je pense qu'il faut le dire avec plus de gorge. Facteur Trémor. Comme le gars chante dans la chanson. Pas plus beau, hein? Je sais pas. Bon. Et en 13e position, qu'est-ce qu'on va entendre, Mathieu? Du côté anglophone, bonne question. Ce sera Camp Radio qui descend de la 3e place avec The Girl Who Stole My Motorbike. Et du côté francophone, c'est Kid Sentiment avec Tu n'aimes pas me voir à la télé. Non? T'aimes pas ça, les voix de gorge, hein? Elle fait un signe de main voulant dire « Je suis pas certaine. » Pas sûr. Don't know, don't care. Vous êtes au palmarès, c'est fou. On passe. Numéro 13. We'll be right back. Camp Radio et The Girl Who Stole My Motorbike, lancé numéro 3, qui descend de 10 places en 13e anglophone. Juste avant, c'était Kid Sentiment avec Tu n'aimes pas me voir à la télé. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est fou. On se retrouve tantôt dans quelques minutes à peine, c'est même pas 3-4 minutes à peu près. Là. C'est pas long, ça. Patientez un peu, on revient avec de la bonne musique après. Il va y avoir, entre autres, Kids... qu'est-ce qu'il y a là? On l'a pas, on l'a joué. Ouais. Breastfeeders, Gatineau, Moulin Grenade, The Jolts, Huckerville River. Philippe B. Oui. Pas Philippe B. Oui. Philippe B. Là. Cool. Ben, moi, je vais rester à l'écoute. Toi? Aussi. T'as pas le choix, ben. Pas pour longtemps, tu t'en vas tantôt. Yeah. Hey. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa. Makes me wanna smoke crack. De retour au Palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 16 octobre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Lafoche-Bourret. Je pensais que j'allais commencer par toi, comme d'habitude, à la deuxième heure. Hein? Non? Non. Je me pensais prévisible un petit peu plus que ça. Non, mais moi, ce que j'ai senti venir, c'était les présentations. Ah, OK. Ça s'en vient tout le temps, pas mal là, au début de chaque heure. Hein? Ouais, est-ce que tu dirais que je suis comme redondant dans ma façon de faire de la radio? C'est ce que tu veux dire? Ben, c'est quand même juste la première fois que je me rends compte que tu fais toutes les heures. Tant mieux, ça doit faire 300 quelques émissions de ça que je fais avec la même présentation. Donc, cette deuxième heure qui commence effectivement par les positions numéro 12. Du côté anglophone, on va avoir The Jolts avec I Wanna Dig Where the Axes Are. Ça monte d'une place. Et du côté francophone, ce sera Philippe B avec Petite Leçon des Ténèbres. Philippe B qui est en septième position la semaine passée. Donc? C'est pas en train de monter. C'est pas, ça s'en va pas vers le haut. Perspicace, oh, ouais. Hein? C'est ça. Pas mal forte, vraiment. C'est une qualité que je trouve exubérante. Chez toi. Des mots, des fois que j'utilise, que je suis pas sûr que ça applique. Ça. Mais ça fait beau. Finalement, les deux, on est très perspicaces. Vraiment, là. Ouais. Pas mal, ouais. On va-tu écouter Philippe B? Hein? Ah, oui, Philippe B. Philippe B avec Petite Leçon des Ténèbres. Et après ça, un instant classique s'en vient. Oh! Ça, c'est perspicace. Oui. C'est de connaître au complet. Là, ça s'applique vraiment pas. Du tout. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, 89 ans. Quand le vieux soleil a retroué ma tête, quand mille corneilles viendront troubler la fête, quand viendra le soir sur la ville conquise, quand il fera noir jusqu'au fond des églises, je fermerai toutes les lumières de l'appartement une à une, lentement, comme une prière. Je garderai les yeux ouverts et je verrai plus clair en dedans. Numéro 12.

Ouais, vous êtes toujours au palmarès C'est fou, condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On va aller aux positions numéro, en fait, 10, mais on va entendre les Breastfeeders avant, OK? Parce que tantôt, je me suis mêlé, OK? Je me suis mêlé, puis je suis plus sûr si j'ai joué de Doug Day ou de Jolt. Fait qu'on va passer aux prochaines, OK? On va entendre la 11e Franco. Non, mais je m'en rappelle plus. On n'a pas de tape cassette pour pouvoir retourner en arrière et écouter, voir quelle que j'ai fait jouer pour pas vous faire jouer la même deux fois. Donc, après les Breastfeeders et Mes Lunettes Noires suivront les 10e positions. Veux-tu les nommer les deux, s'il te plaît? Oui, en 10e position anglophone, ce sera Okkervil River avec Rider. Et en 10e position francophone, ce sera Gatineau avec de l'importance d'être constant. On débute avec les Breastfeeders au palmarès, c'est fou! Jusqu'au bout, sans doute. Couple-toi, j'ai plus trop de goût. Couple-toi, de plus en plus je m'en fous. Je commence comme être un peu tanné. Je vais réussir ma dame, me pogner ma nez. C'est ça ta l'heure, mais là c'est moins ça. C'est ça au début là, c'est fou ça. Je n'ai rien, mais quand je commence, je bats pas loin. Quand je mélange, j'avais trop ma motivation. Mais c'est rendu top, je voulais me propre. Mais sans que pop, mais sans que c'est rough. Mais sans que c'est top, tout pas en pop. Mais sans que c'est rough, mais sans que c'est rough. Jusqu'au bout, sans le n'importe quoi, c'est tout ça. Yeah. Suis sa voix, suis sa voix, jusqu'au bout, sans le. Up and down, mon dévis, ça en veut vous, ça me tente, lâcher, m'apprendre. Up and down, mon dévis, ça en veut vous, ça me tente, lâcher, m'apprendre. Up and down, mon dévis, ça en veut vous, ça me tente, lâcher, m'apprendre. Up and down, mon dévis, ça en veut vous, ça me tente, lâcher, m'apprendre. Numéro 10. Yeah. Ackerville River avec la chanson Rider en 10e position. Je sais pas s'il y a des riders de car de golf. Car de golf. Car de golf. Ah, je sais pas si Ackerville River joue au golf. Peut-être. J'en ai aucune idée. On sait pas. Avant ça, du côté francophone, c'était Gatineau avec De l'importance d'être constant. Ça monte d'une place et je continue d'adorer l'album Karaoke King de Gatineau. C'est donc fantastique. Donc fantastique. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou. On appelle ça un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Pourquoi? Ben parce qu'on vous offre top 20 francophones, top 20 anglophones, accompagnement. En moins de 3 heures. En moins de 3 heures, garantie. Garantie, parce qu'on peut pas empiéter sur l'émission d'après, c'est bien normal. Émission d'après qui, en passant, n'existe pas le jeudi. Mais quand même, les autres jours, il y en a après. On s'en va position numéro 9 du côté anglo. Ce sera Friska Vilhor avec Larionov. Ça descend de 5 places. Est-ce que t'aimes mes airs roulés? Oui. J'adore ça. Hey, je peux aimer. Moins que la chronique de tantôt, par exemple. Parce que ça, c'est au sommet, on l'a appris. Oh oui. Marie-Pierre Laforge Bourret. Ouais. Hein? Bourret. Bourret. Faut rouler le R. Puis quand c'est des anglophones qui prononcent, c'est Marie-Pierre Laforge Bourret. Bourret. Bourret. Tu mets pas le T à la fin, là? Bourret. Non, pas de T. Pas de T. Bourret. Bourret. Bourret. C'est comme à la française. C'est, ils disent genre lingerie. T'sais, ils disent des mots comme ça. Hein? Lingerie. Pour lingerie. Ah. Ils sont drôles, les Américains. Sur cet à côté, je parlais d'accompagnement. C'est pas toujours bon. Les accompagnements, des fois, c'est comme des petits céleri, genre un petit peu trop sec. Là, ça. Genre. Position numéro 9, anglophone, je l'ai dit. La 9e oui. Francophone va suivre juste là. C'est Monogrenade avec la chanson Immobile. Est-ce qu'on est capable de rester immobile par toute la chanson? Toi, oui. Moi, oui. C'est un défi, c'est un défi, Mathieu. T'es en train de dire que je bouge pas, là? T'es en train de dire que je suis un fainéant paresseux, là? Non, c'est un défi, Mathieu. Accepte. À côté de moi, je vais rester planté là. So I've been looking my way. C'était Fris... C'est ça, hein? Friska. Attends, là. Vilha. Oui, avec Larionov. Là, tu parles comme un pirate. En 9e position. Oui. Du côté franco, c'était Monogrenade avec Immobile qui monte d'une place et j'ai raté ton défi, Marie-Pierre, j'ai bougé. Oui. Ouais. Et, pas fiable. Mon patron, m'a écrit un message texte pour me dire c'est pas celle-là. C'est parce qu'il a voulu te tester, hein. Puis toi, t'as répondu, fait que ça a montré que t'avais pas respecté mon défi. C'est difficile de pas bouger et répondre à un message texte, en effet. Oui. Il dit je savais que tu bougerais, t'es pas fiable pantoute. Ça m'apprendra. Caline. Toi, Marie-Pierre, tu dois partir. Oui. Ah! À moitié de l'émission, comme ça? Ben, oui. Tu t'en vas te magasiner des lacets de souliers, je pense, c'est ça? Exactement. Pour mes souliers que je n'ai pas. Est-ce que tu vas acheter ceux qui sont faits comme... T'as pas de souliers. C'est ça que tu veux dire, t'as pas de souliers. Nu-pieds. Nu-pieds? Ben, ah, oui. Des cordons pour les pieds. Tu as des bagues pour les orteils. Tu peux avoir des cordons pour les pieds. Tu sais, ceux qui sont comme entortillés, comme ça, c'est plus facile à tenir. T'as pas besoin de faire des boucles. Mmh. C'est vraiment comme pour les paresseux. Ben oui, paresseux. On pourrait dire handicapés, tu sais, d'une certaine façon. Des fois, c'est peut-être, peut-être pour eux aussi. Là. Mais j'ai jamais vu ça, des lacets comme ça. Non? Tortillons, comme une genre de... C'est comme des frites épicées. Mmh. Ma comparaison est douteuse ici. Comparaison avec du manger. Comme, ben, faut toujours que ça se rapproche à quelque chose qui est mangeable. Hein? Donc, allons-y avec les positions numéro 8. Pendant que tu es encore là pour les présenter, on va entendre tantôt Wilco avec I Might qui monte de 12 places et ça, c'était nouveau la semaine passée. Mais juste avant, ce sera Antoine Corriveau avec la chanson Distance usuelle qui a monté de 11 positions. Pas mal. Pas pire du tout, Colin, hein? Super. Hey, ton animation est tellement bonne, Marie-Pierre. Je ne m'en lasserai jamais. Ça semble vrai. Bye, Marie-Pierre. Bye. Bonne semaine. Carrément. Tu l'as l'affaire. Salut. Garde le silence, je n'ai pas envie de t'entendre. Garde tes distances, je n'ai pas envie de reprendre le combat où je l'ai laissé dans mon ancien appartement. Il y a des marques sur le plancher, des traces qui ont figé longtemps. Je ne veux pas revivre ça, en arriver à détester tous les gens tout autour de moi. Je ne veux pas me répéter, j'ai autre chose à faire des nuits que de les passer éveillés, en croyant qu'ils m'ont menti, que c'est eux qui m'ont saboté. J'ai bien compris que je m'étais perdu tout seul, que j'étais l'unique responsable des sabordages et des naufrages. Mais sur la mer, je dois filer, ne pas me laisser dériver. Les esprits sont un peu trop faibles et les guerres un peu trop faciles à déclencher. Il n'y aura rien, pas d'espace à remplir du tien. Juste une zone un peu tranquille pour laisser visiter les miens. Et l'horizon arrivera bien. Et l'horizon arrivera bien. Et l'horizon. Et l'horizon arrivera bien. We'll be right back. le silence, je n'ai pas envie de t'entendre. Garde le silence, je n'ai pas envie de t'entendre. Je garde le silence. Vous êtes assez fou pour l'écouter. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at working with the recovery forces to see what can be done at this point. Numéro 8. Wilco et I Might, position numéro 8, ça monte de 12 places et c'était nouveau la semaine passée sur l'album The Whole Love. Et avant, en franco, on a entendu notre ami Antoine Corriveau avec Distance Usuelle et ça monte de 11 places et c'était aussi nouveau la semaine passée. Donc les deux ont monté vraiment pas mal et ça, c'est sur l'album Saint-Maurice Logan. On est rendu aux 7e place déjà dans les palmarès assez fous, ce condensé merveilleux de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. Wow, que de mots! Beau à dire. Donc, un septième anglophone, c'est Madman avec Knuckle Down. Ça monte de la 15e place. Donc, si je compte, ça en fait 8. Wow. Et c'est la plus vieille pièce du palmarès en ce moment, avec 10 semaines. Il n'y a absolument rien d'autre qui accote cette pièce de Madman. Alors qu'en franco, on débute avec Malajube. Ça descend de 5 places. Voici Sansu. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Dark. Madman avec Knuckle Down en position numéro 7, ça monte de la 15e place. Et avant entendu, Majub avec Sansu qui, elle, descend de 5, mais qui est là depuis 8 semaines, donc quand même respectable tout ça, sur l'album La Caverne. En 6e anglo maintenant, du côté anglophone, ce sera Young Galaxy avec Peripheral Visionaries. Toujours un exercice de diction ici, ça monte de 4 places. Je pourrais dire plus souvent, peut-être que je prononcerais mieux mes mots. Mais avant ça, en francophone, on écoute Renard Frac. Yay! Renard Frac qui descend de 3 places par contre. Donc, yay pour la chanson et bouh pour la descente. On écoute Le Sal Wave au Palmarès C'est Fou. Et ça, c'est au 89,1. F majuscule, shift, tiens le chiffre. Après ça, retiens le chiffre encore, puis M. Ou tu peux faire caps lock si tu veux. C'est selon. We inhabit both creature and food. Young Galaxy et Peripheral Visionaries en sixième position qui montent de 4 places et c'est la fin de la deuxième heure des Palmarès Fous. Il nous en reste une dernière, la troisième, avec le top 5 de chaque côté. On va entendre entre autres Bravo Funkin, Marc Derry, Salomé Leclerc, Les Vulgaires Machins, The Pack AD, Elliot Broad, oui, The Kooks et Library Voices en plus de Dan Mengen juste après la pause. Restez là. Troisième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 10 au 16 octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Marie-Pierre Lafourche-Bourret sera de retour avec moi la semaine prochaine. On est rendu dans le top 5 maintenant. Voilà, le top 5 qui commence dès la troisième heure. C'est pas magique, ça. C'est comme si c'était synchronisé pour que ça arrive à peu près comme ça. Dans le meilleur des mondes. Côté anglophone, la cinquième position, c'est Dan Mangan avec Whole Fortune qui monte de 3 places. Mais on débute avec Galaxy qui reste stable. Stable comme un requin qui serait stable finalement, qui bougerait pas, t'sais. C'est pas le meilleur jeu de mots. Requin tigre, tout de suite. chances, oh forces, luck. Fields arid, windows boarded, enough. Please be merry when I am buried in the ground. Nice to have the kids around. Ah, que c'est bon, ça. Dan Mangan avec Oh Fortune, la cinquième position anglophone qui monte de trois places. Et avant, du côté franco, Galaxy avec Requin Tigre. Et ça, ben, c'est stable. Ça bouge pas. C'est comme ça. Sixième semaine de présence sur l'album Tigre et Diesel. En quatrième place anglophone maintenant, ça monte de trois. C'est Library Voices avec If Raymond Carver Was Born in the 90s. Hein. Toujours un très, très bon titre à dire. J'aime bien gros ça. Mais on commence avec l'ancien numéro 1. Oui, c'est dit, je l'ai dit, je me suis même pas retenu, je vous ai même pas averti d'avance que vous pouviez changer de genre de pièce peut-être, si vous éloignez pour pas l'entendre. Le numéro 1 est descendu, Bravo Funkin avec Cœur Rubé qui est maintenant en quatrième. On écoute ça à l'instant. Ça reste bon même si c'est en quatrième. Là. Ça veut juste dire qu'il y a des affaires qui sont encore meilleures que ça, selon les palmarès. Ma fête, je fais quand même un vœu. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais qu'on pousse numéro 4. Library Voices et Freeman Carver was born in the 90s. Position numéro 4 qui monte de 3 et avant, on a entendu l'ancien numéro 1, Bravo Funken avec Cœur Rubik. C'est pas mal la pièce titre de leur maxi le plus récent, Cœur Rubik. On va être déjà rendu aux positions numéro 3. Le temps passe tellement vite, il nous reste 45 minutes environ, donc c'est sûr que d'ici la fin de l'émission, on va avoir le temps non seulement d'écouter les pièces qu'on a sautées en début d'émission, entre autres The Last Assassins et Peter, hein? Mais sûrement aussi il y a du temps pour entendre un petit peu le top 30 des CD tout à l'heure, que c'est donc excitant! Position numéro 3, anglophone, Elliot Broad descend d'une place avec Northern Air, mais tout de suite voici Salomé Leclerc qui monte de 5, c'est tourne encore dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine posé les plumes aux pieds. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il faudra regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain. Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. Tourne encore.

Northern Air de Elliot Broad en position numéro 3. Ça descend d'une seule et unique position. Pas si pire encore dans le top 3. On aime ça. Avant, en francophone, c'était Salomé Leclerc qui est le monde de 5 avec Tourne encore sur l'album Sous les arbres. C'est toujours aussi excellent, ce Salomé Leclerc. Et comme bien d'autres choses dans le palmarès, là, ça monte bien quand même. On est rendu aux positions numéro 2. Tout à l'heure, on entendra... Encore une fois, je vous ai pas averti. Je vous l'ai dit, je vous torture aujourd'hui. Ça descend. C'est l'ancienne position numéro 1 de Pac AD avec Haunt You sur l'album On Persons. Mais on débute avec quelque chose qui monte beaucoup. Troisième semaine de présence. Ça monte de 13 places. Voici Mac Derry et Welcome. Ça, c'est la... Je vais laisser la mélodie se faire toute seule à la place. Ah, c'était pareil, là. C'était pareil comme ça. We'll be right back. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Numéro 2. You par The Pack 80 sur leur album Unpersons en position numéro 2 anglophone. Ça descend du premier, tu sais, du premier rang vers la deuxième. C'est dommage, mais c'est comme ça. Du côté anglophone, ça monte de 13 places. Marc Derry avec Welcome sur l'album numéro 4. On est presque rendu aux positions numéro 1, mais vu qu'il nous reste encore un petit peu de temps, je pense qu'on devrait s'arrêter ici, se calmer un peu, aller entendre ce qu'on a sauté en début d'émission en pensant qu'on n'aurait pas le temps de les jouer. Genre. On va l'entendre du côté francophone, Charlie Foxtrot. Ça descend d'une place. Voici Éternel Pessimiste. Au palmarès, c'est fou! Je suis un éternel pessimiste. Et oui, c'est moi, je suis le rabat-joie. C'est moi le frein à la marche arrière. N'en ai pas pourquoi. Pourquoi t'essayes pas? Pourquoi t'essayes pas? T'as pas commencé ta mort de déjà. Allez, on verra, bien c'est quoi le résultat. Ah, oublie ça, ça marchera pas. Comme un chapeau sur un soleil. ça. Je le sens pas. On peut toujours essayer, là, mais je pense pas. Thank you. Jean-Loup et The Last Assassins avec la pièce The Wheel. C'est la position, ça, numéro 15 du côté anglophone. Ça descend de 10 places. Avant ça, qu'est-ce qu'on a entendu du côté francophone? C'était Shy Foxtrot avec Éternel Pessimiste qui descendait d'une place. Et entre les deux, il y en a eu un autre, je pense. Alors, bref, on a entendu au moins ça. Hein? C'est bon à savoir. Il reste seulement les positions numéro 1 à entendre de chaque côté. Et là, Je vous le promets, à chaque semaine, j'oublie tout le temps qu'il faut que je fasse des jeux de mots poches. Et c'est justement la beauté de la chose, parce que si j'y pensais à l'avance, avec mon cerveau d'obsessif compulsif, j'essaierais de me battre. Puis là, à un moment donné, quand tu scriptes des blagues, c'est pas toujours aussi drôle. Vous trouvez pas? Ouais. C'est comme, même si j'essayais vraiment, je serais pas capable de faire pire que la plupart des jeux de mots que je fais. Et les gens le remarquent, et c'est ça l'affaire. C'est pour ça que les gens écoutent l'émission des fois, pour avoir le pire jeu de mots. Il pense que peut-être que je vais y aller tellement obscur qu'à un moment donné, je vais peut-être être vulgaire en sortant mes machins. En sortant mon machin. Ça sonne drôle, ce nom. Je retire mes paroles. On va entendre à la place vulgaire machin avec et même si. Hein? C'est ça. Non. C'est pas juste moi là, qui pense que mes jeux de mots sont poches. Là. La population au complet le sait. Hein? Is it me? C'est pas juste moi. Is it me? Est-ce que c'est moi? Non, c'est ça. Il n'y a rien à dire avec ça. The Cooks. J'essaierai de faire des jeux de mots avec The Cooks et Is It Me. Ça ne se fait pas. Tu ne peux faire que des grosses boulettes, pour ne pas dire de la ma-ha-ha. Et là, je finirai pas mon mot. Parce que le titre de l'album, c'est Junk of the Heart. Junk, ça veut dire de la ma-ha-ha-ha. Bon. C'est pire que jamais, ça. Le grand machin est même si au palmarès, c'est fou. Ah. On a eu peur, on a eu froid. On a rempli des salles vides et vidé des salles pleines. On s'est brisé des doigts. On a signé des chèques. On a perdu la voix. On s'est fait lancer des bouteilles de Jack vide. Même s'il faut se dire adieu. Et même si les nuages résistent au soleil et les mohawks se délavent, mon cœur est encore en feu. On a mis de la poussière dans l'engrenage. On s'est fait voler des centaines de fois. On a écrit des tunes plates. On a menti aux médias. On s'est engueulé avec notre agent de presse. Mais on a fait la paix. On a transgressé des lois. On s'est fait fouiller aux douanes. Et même si les nuages résistent au soleil, même s'il ne reste plus rien, mon cœur est encore en feu. Mmh.

position numéro 1 des palmarès C'est fou de cette semaine. Avant de dire les numéros, on fait un petit récapitulatif, comme on appelle. Du côté francophone, en troisième place, c'était Salomé Leclerc avec Tourne encore, qui monte de 5. En deuxième, ça monte de 13 places, Welcome par Marc Perry. Et en première, on l'a entendu il y a quelques secondes, les minutes même, les Vulgaires Machins avec MMC. Ça monte de la 19e, de 19 places. Donc, de la 20e, c'était une nouvelle entrée la semaine passée. En anglo, on vient, on a entendu plutôt Colin, je me mêle dans l'ordre des choses aujourd'hui, voyons là. En troisième, Elliot Broad avec Northern Air, ça descend d'une place. En deuxième, c'est The Pack AD, l'ancien numéro 1 avec Haunt You. Et on vient d'entendre, voilà, The Kooks avec Is It Me. Ça monte de la 19e place, donc de 18, hein. C'était nouveau la semaine passée sur l'album Jack of the Heart. Donc, si on comprend bien tout ça, les deux nouvelles entrées des Vulgaires Machins et de The Kooks la semaine passée, directement au sommet où, tu sais, ouais, c'est beau à voir, ça, du talent comme ça. Félicitations. Vraiment. On a terminé pour le top 20 francophone et le top 20 anglophone. Il nous reste à peine assez de temps pour aller entendre quelques petites pièces du top 30 des CD. Hein, on va commencer avec notre ami de Bon Iver, avec son album Bon Iver, qui est en position numéro 30. 7e semaine de présence dans le top 30. On écoute à l'instant la pièce Calgary et on revient avec la conclusion de l'émission. C'est les palmarès, c'est fou. Restez là. Thank you. Bon Iver et Calgary. C'est dans le top 30 des CD, ça, en position numéro 30. Ça descend d'une place, 7e semaine de présence pour Bon Iver dans le top 30 des CD. On ne retrouve pas pour l'instant dans le top 20 anglophone. Il l'a quitté il y a quelques semaines à peine. Voilà pour les palmarès, c'est fou. On va se quitter avec un autre extrait du top 30 des CD. C'est l'artiste qu'on surnomme dans le domaine My Morning Jacket. Je cherchais un peu mes affaires, là. Donc ça, c'est My Morning Jacket en position numéro 29 du top 30 des CD. Ça descend d'une place aussi, 10e semaine de présence. L'album s'appelle Circuit All. Et on va entendre... Elle va s'arrêter de se tasser, cette fenêtre-là? C'est le fun. Victory Dance. Voilà, c'est avec ça qu'on va se quitter. Nous, on se retrouve jeudi prochain, 11h et 17h, pour une autre édition tout à fait nouvelle des Palmarès C'est fou, avec Marie-Pierre Lafosse-Bourret et moi-même. On est en rediffusion les... oups, j'ai oublié de vous dire ce qui s'en vient plus tard. À 18h, ça va être La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. On est en rediffusion les vendredis à 17h jusqu'à 20h. Normalement, à 20h, ce serait les lutins de l'enfer, mais ils ne seront pas là cette semaine, probablement pour le Trois-Rivières Metal Fest. Ça ne me surprendrait pas du tout. On rejoue les lundis entre 13h et 16h. Ce qui nous suit, c'est Le Boudoir avec de la musique émergente. Et puis plus tard, Le Con, Le Prog et Le Planant avec du rock progressif. Restez à l'écoute de tout ça. Pour tout ça, allez voir le www.sif.ca pour plus d'informations sur la programmation. Allez aussi sur assemblagerocky.com pour les notes de l'émission d'aujourd'hui et toutes les autres, et pour entendre les balados diffusion en MP3. Voilà. Comme je disais, on se quitte avec un extrait du top 30 des CD. C'est la position numéro 29, l'album Circuit All de My Morning Jacket et la pièce Victory Dance. Passez une excellente soirée sur nos ondes. Et à jeudi prochain, 14h. Bye bye. Work is done. Hope to watch the victory.